rejoindre sur cette deuxième partie concernant les enjeux de promotion culturelle, les enjeux de promotion des entreprises culturelles liées au numérique. Et donc, le sujet que je voulais aborder aussi dans ce cadre-là, c'est celui du piratage et des droits d'auteur. Alors, c'est une thématique qui est liée là encore à des histoires d'accessibilité. Quand on choisit de rendre une œuvre accessible, se pose la question donc des droits d'auteur, donc du paiement, enfin de comment on va faire payer des droits, comment on va protéger ces droits, et se pose donc avec le numérique les problèmes notamment de piratage. Lorsqu'on parle de piratage, au départ, c'est un concept en soi qui est péjoratif, négatif, il ne faut pas, c'est mal, etc. Sauf que quand on est dans le cadre du numérique, comme on l'a vu auparavant, l'un des avantages du numérique, c'est de permettre la créativité, l'appropriation des codes, de la technologie, le détournement de certaines capacités technologiques. Et ça va permettre donc, en ce qui concerne le piratage notamment, de le voir d'un côté un petit peu plus positif ou en tout cas avec des potentialités intéressantes. De fait, j'imagine que personne d'entre vous n'a jamais téléchargé ou visionné de façon illégale du contenu. C'est très bien, moi non plus. Donc, à partir de là, dans tout ce qui est lié justement à cette histoire de visionnement, téléchargement, légal, illégal, se pose encore là la question de restreindre ou pas l'accès à la culture et donc d'envisager Internet comme une sorte de place globale où on va partager des contenus et où on partage donc sans frontières, sans règles nécessairement du marché, règles habituelles. L'une des façons de voir le piratage comme étant en fait aussi un moyen de créer, c'est notamment en musique, le fait que pirater, donc aller chercher du contenu et se l'approprier de façon sans être passé par des droits d'auteur, des négociations, etc., ça peut permettre donc parfois de créer de la valeur, puisque par exemple, on va aller chercher des extraits musicaux, donc faire du sampling, et on va se servir de ces samples-là pour faire des remixes, pour créer une nouvelle œuvre, mais en même temps, on va aussi participer à faire connaître l'œuvre initiale. Donc, il y a un effet quasiment de retour sur non-investissement à la base qui se fait et qui est dû à cette culture de la réappropriation, qui fait que même quand on n'a pas le droit, le contenu en question, il est quand même accessible. Donc, on n'est pas censé avoir le droit, mais en même temps, on le peut. Donc, se pose tout ce flou, en fait, et qui est aussi un terrain de flou juridique sur lequel les entreprises adoptent, là encore, des positions différentes. Ce qui fait en sorte aussi qu'au-delà des entreprises culturelles, pour les artistes, se pose aussi la question de est-ce que je lance mon album en ligne gratuitement et tout le monde peut venir le télécharger? Ou est-ce que je lance juste un teaser de une des chansons de mon futur album, mais je mets celui-ci à la disposition de telle plateforme sur laquelle il faudra payer pour avoir accès, etc. Parce que je suis copain avec Beyoncé, etc. Et que donc je choisis pas la même plateforme que les autres. Voilà. Donc tous ces choix-là, en fait, sont reliés aux enjeux d'économie de la gratuité liée à la musique, notamment dans ce cas-ci. Donc ici, c'est une vision économique de la gratuité. Quand on dit économie de la gratuité, c'est pas faire donc une économie au sens de faire des économies, mais bien en fait envisager l'économie musicale comme fonctionnant aussi grâce à la gratuité. Donc ce que donne le numérique, c'est une autre vision vraiment du marché culturel de la musique. C'est ce que ça a contribué à amener. Donc il y a chez les artistes et chez les producteurs ce choix à faire entre droit d'auteur versus accès libre. Et il y a donc une tension qui existe entre à la fois donc, vouloir offrir l'accès à ses œuvres, vouloir donc augmenter son public potentiel. Plus on donne accès, plus on a un public a priori potentiellement large. Et en même temps, l'autre enjeu, c'est de maintenir ou d'augmenter des revenus ou des profits. Et ces enjeux économiques, en fait, ils sont centraux aussi dans l'utilisation du numérique, parce que le numérique vient remplacer des technologies qui, jusque-là, avaient été privilégiées. Donc, exemple, on continue dans la musique, mais le numérique, dans un premier temps, a permis, notamment pour les auditeurs, en fait, de ne plus nécessairement acheter des CD parce que on avait un accès gratuit ou quasiment gratuit à l'œuvre musicale que jusque-là on était obligé d'aller acheter, soit aller acheter une chanson, soit aller acheter un album. Et donc ça permettait justement de dépasser un peu ce coût de la technologie. De façon parallèle, donc ça c'est une évolution, donc tout le monde s'est dit, ça y est, le CD est mort, après le vinyle, après la cassette, maintenant le CD n'existe plus. Mais en parallèle, on observe aussi qu'il y a un retour d'anciennes technologies, en fait, par exemple le vinyle, qui n'a jamais été aussi populaire depuis des décennies que depuis que le numérique a augmenté et que l'écoute de la musique sur des plateformes numériques a augmenté. Donc, il y a des phénomènes qui sont... Donc, il faut voir ici, en fait, que c'est pas tout blanc ou tout noir, dans le sens que c'est pas parce que quelque chose sur le numérique commence à bien fonctionner et transforme un usage qu'il supprime nécessairement ce qui a auparavant existé. Donc, ce qui veut dire que là encore, pour les entreprises culturelles, il faut tenir compte de la coexistence d'usages culturels, c'est-à-dire de façon de consommer la culture, de façon de consommer les produits culturels, d'usages qui sont plus traditionnels, comme aller acheter un vinyle par exemple, et d'usages qui sont beaucoup plus novateurs, dans le sens par exemple d'aller justement remixer des samplings, etc. Donc il y a les deux, en fait il y a vraiment plusieurs niveaux d'usage, à la fois en ligne et hors ligne, dont les entreprises culturelles doivent tenir compte. Ce que le numérique a aussi contribué à transformer, c'est la logique de production, des objets culturels. Dans le sens où, par exemple, auparavant, les artistes et les maisons de disques cherchaient à construire des albums. Et quand je dis auparavant, c'est, mettons, à partir des années 80, puisqu'auparavant, on était plutôt dans des singles, donc où on avait la face A, face B, il y avait une chanson et une note de l'autre côté. Après ça, on est passé aux albums. Donc, il y avait une logique de création aussi qui se faisait autour d'un concept qui est décliné en 10, 12, 15 chansons, ou 7, selon la durée de la chanson en question. Mais ce que le numérique en fait est venu changer, c'est que la possibilité ou offrir la possibilité d'acheter un morceau à l'unité et donc de plus être obligé d'acheter un album entier pour pouvoir avoir accès à une chanson, ça a fait en sorte que ça a relancé en fait l'intérêt pour les artistes et pour les compagnies de disques aussi de produire, de compter sur la production de tubes plutôt que de continuer à fonctionner uniquement sur cet enjeu de production d'albums. Donc ça a rechangé encore le rythme de production en fait et les formats de production au sein des industries culturelles. Donc on n'est plus nécessairement dans des logiques thématiques de production, de création, mais plus dans la logique en fait de instantané, finalement du tube instantané qu'on va diffuser et qu'on va essayer au maximum de mettre en visibilité pour qu'ils soient bien classés, pour qu'ils se vendent bien ou qu'ils soient bien rediffusés de façon gratuite, mais que dans tous les cas, ils soient haut dans la hiérarchie. Ce qui fait qu'on est plus, que ça a contribué à privilégier, en fait, de chercher des coûts au sens COEP, et non pas des coûts dans le sens de que ça coûte, mais donc de faire des coûts médiatiques, en fait, en sortant, ou de faire la fameuse expression de faire le buzz. C'est exactement ça, c'est qu'on est sur des productions beaucoup plus éphémères et que donc on va fragmenter beaucoup plus, on va créer de façon beaucoup plus fragmentée. Alors là encore, ce que je dis, c'est pas la vérité absolue dans le sens que plus personne fait d'albums et que ça veut dire que c'est la fin des albums, etc. Mais ça veut dire que c'est une influence en fait du numérique sur l'industrie culturelle et sur la façon dont on va penser la promotion d'un secteur de la culture. Il y avait une question ? Ah. Comme j'ai dit tout à l'heure aussi, j'avais déjà évoqué cet aspect du crowdfunding. C'est, donc on en a déjà parlé aussi un petit peu plus tôt dans le quadrimestre. Le crowdfunding, c'est un pilier ou une façon en fait de produire économiquement qui s'est particulièrement développé ou qui a particulièrement été utilisé dans le secteur culturel. Parce que là encore, il y a une capacité d'accessibilité et parce que ben, en fait, ça permettait aussi de participer à une création, donc dans une co-construction en fonction de ses moyens. Donc, peu importe la somme qu'on va mettre pour aider un projet artistique, que ce soit 10 euros ou 1500, ben, on aura contribué à la production de la dernière chanson de tel artiste qui veut essayer de se lancer ou du tournage d'un film, etc. En fait, dans l'utilisation du crowdfunding, oui, c'est peut-être pas évident à lire, c'est ça ? Non. Vous avez des sourcils froncés. Est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a sur le tableau ? Oui. Ok. Donc, l'enjeu du crowdfunding ou ce à quoi va être lié le crowdfunding dans le secteur culturel, c'est la participation donc à une création culturelle. Donc, ce qui permet aux donateurs, oui, de participer à une entreprise au sens que économiquement je mets de l'argent, dans un projet qui après ça va rentrer sur le marché culturel, va être acheté ou va être diffusé, etc. Mais aussi, je participe à une entreprise de création culturelle. Et ce n'est pas parce que je ne suis pas en train de tourner de la vidéo ou de figurer dans le clip de la chanson en question que je ne participe pas. Donc, ça offre au public une nouvelle façon de prendre part à la production culturelle. Et ici aussi, en fait, ça joue sur ce rôle de producer que je mentionnais au tout début du cours. C'est que, en fait, l'internaute, donc l'utilisateur d'Internet, devient ou participe à la production de la culture. Parce que, en fait, le crowdfunding sert d'intermédiaire entre la création artistique et le fait de donner de l'argent, une participation économique. Donc ici, je vous ai mis un exemple. En fait, quand des assistants m'ont soufflé, mais moi je ne connaissais pas cet artiste, peut-être, est-ce que vous le connaissez ? Oui ? Oui. D'accord. Donc j'ai été du coup m'informer sur la personne en question. Donc c'est le cas typique en fait de fonctionnement par crowdfunding où quelqu'un va faire appel donc à la générosité des internautes pour soutenir un projet de création artistique. Et bien sûr, il faut qu'il y ait une interface en fait entre les donateurs et l'artiste en question. Donc interface qui va permettre de récolter l'argent, qui va permettre après ça à l'équipe de production de récupérer cet argent-là et de l'utiliser d'une certaine façon en investissant sur certaines opérations pour permettre la diffusion par après de la production culturelle. Donc ce qu'il faut voir, c'est que là aussi il y a des enjeux ou des questions dans le milieu culturel sur le rôle des interfaces numériques d'abord, mais après ça aussi sur la question des droits d'auteur, parce que l'argent récolté, donc le moment où les gens vont donner pour soutenir le projet, le moment où l'argent récolté va être utilisé par la compagnie de production, et le moment où l'artiste va sortir son album qui va être diffusé et donc qui va être acheté, ce que l'artiste va toucher par après, donc ce qu'il va récupérer comme valeur économique de son produit, n'est plus aussi transparent forcément que cela l'était auparavant. Et les donateurs n'ont pas de contrôle non plus entre le moment où eux donnent de l'argent pour aider un artiste et le moment où après ça l'artiste lui va donc avoir un retour sur le produit qui a été distribué. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez donné 1 500 € pour participer à ce projet-là, vous ne savez pas si l'artiste, en bout du compte, il a touché 10 €, 1 € ou 0 de ce que vous aviez donné. Donc en fait, vous avez peut-être plus aidé la maison de disques que l'artiste en question. Même si c'est sûr que ça va contribuer sur le moment à le faire connaître, etc. Mais dans les faits, il y a ce côté aussi qui est à la fois donc, de capacité d'accès et en même temps aussi que tout n'est pas si transparent ou si clair que ça non plus avec ces plateformes. Ce qui pose d'ailleurs débat entre les maisons de disques et ces plateformes de crowdfunding, qui fait en sorte que, parce que bien sûr, bien évidemment, que ces choses-là se développent, c'est positif pour des artistes, c'est positif aussi pour des producteurs qui se lancent, mais bien entendu, ça menace aussi un peu, certaines autres compagnies de disques peuvent se sentir un peu menacées, et donc chacun va devoir légitimer pourquoi en fait les deux types d'entreprises doivent coexister. Donc ça, c'est plutôt sur l'ordre des enjeux économiques. Et ce que le numérique apporte aussi dans le secteur médiatique, c'est notamment une capacité de ce qu'on appelle le transmédia storytelling. Donc c'est-à-dire de décliner sur encore plus de plateformes et sur encore plus de médias un produit culturel. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui regardent Doctor Who ? Ou qui connaissent au moins ? Donc cette série de la BBC qui existe depuis plusieurs décennies est une des séries qui dure en fait depuis, qui a la plus longue longévité à la télé, hormis peut-être Amour, Gloire et Beauté et Les Feux de l'Amour, mais dans un autre genre. Mais cette série-là, donc, elle a toujours, depuis le début de son existence, tablé justement sur ce qu'on appelle du transmédia, c'est-à-dire sur la déclinaison de sa marque en plusieurs supports. Donc il y avait la série télé, il y a eu des bandes dessinées, il y a eu des disques du générique, bien sûr, qui sont sortis aussi, des objets dérivés. On a vu des personnages de la série participer à des émissions télé, à des talk shows notamment. Et en fait, cette identité transmédiatique depuis le départ, elle s'est encore plus développée avec le numérique. Et notamment, elle s'est développée à la faveur d'un phénomène qui est celui des fans en ligne, qui ont contribué, enfin qui se sont appropriés donc les codes de Doctor Who, donc qui notamment adorent revenir sur, qui ont essayé de dépister par exemple en créant des forums les incohérences qu'il pouvait y avoir entre tel épisode et tel autre parce qu'à tel moment c'est tardif, il n'était pas censé être arrivé, que la coiffure du docteur n'était pas la même que la séquence d'avant, qu'il y avait une incohérence dans l'histoire, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre du forum de discussion. C'est une contribution en fait du numérique énorme au développement en fait de communautés de fans et au maintien de certaines séries télévisées. Donc là, on est vraiment dans l'univers, pardon, de la télé encore. Mais ça, c'est vraiment spécifique aussi vraiment du numérique, parce qu'il y a un partage beaucoup plus facile avec davantage de fans qui existent. Et ça encourage aussi, ou ça incite à conserver une fidélité à la série en question. Ce que ça permet aussi, c'est de combler les vides, c'est-à-dire quand la série n'est pas diffusée pendant une période, ou quand il y a un champ, ou qu'il y a une partie de l'intrigue qui n'a pas été résolue, par exemple. Donc il y a des inconnus qui restent dans le scénario. À ce moment-là, les fans se chargent, soit par des créations vidéo qu'ils mettent en ligne, soit par des discussions, notamment sur des forums, d'imaginer en fait ce que les scénaristes avaient laissé dans l'ombre. Ce qui permet à un produit culturel d'exister même quand il n'est pas volontairement diffusé. Bon, ce qui permet à une entreprise, notamment ici donc la BBC, de s'assurer qu'en fait un produit qu'elle a lancé depuis des années bénéficier d'une publicité carrément, quasiment en tout temps, par donc cette existence de forums et par donc les plateformes multiples qui existent. Ici, ça c'est un exemple plus d'une création audio, mais là encore, en fait, tout ce qui va être de l'ordre de production déjà existante, ça va être réapproprié, ça va être transformé aussi par les fans. Donc vous avez notamment des fans qui s'exercent aussi à transformer ou à donner des versions de Doctor Who en version manga ou à détourner encore l'existence de certains personnages pour les faire mourir plus tôt que prévu ou pour leur faire faire en fait des actions qui ne correspondent pas à leur personnage. Bref, pour en fait s'approprier vraiment complètement l'œuvre artistique qui avait été créée au départ. Ça, c'est les références que vous pouvez aller consulter en complément du cours. Je voulais pour finir revenir sur la lecture, mais de toute façon qui seront disponibles. Les passe rapidement parce que je ne vais pas vous demander les noter en live, ce sera disponible bien sûr sur l'UV. Je voulais profiter donc des dernières minutes de cours pour faire un retour sur la lecture du texte pour aujourd'hui d'Irène Bastard, qui justement se concentrait sur les musiciens sur internet et sur certaines problématiques de communication en particulier. Alors il y a plusieurs éléments du texte que j'ai un peu évoqués déjà dans la présentation d'aujourd'hui. Mais je voulais un petit peu qu'on revienne sur certains points parce que ce texte-là, il fait un petit peu justement une sorte de bilan d'enjeux de communication spécifiques au milieu culturel et que ça peut vous permettre un petit peu de faire la synthèse sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, un petit peu comme on avait fait les autres fois, ici j'ai préparé deux petites questions. Je vous demande de réfléchir rapidement en fait avec vos voisins pour ensuite avoir une brève discussion en collectif. La première question que je vous pose par rapport au texte, c'est d'après vous, quels sont les principaux enjeux de communication que souligne ce texte ? Donc, ce n'est pas une question piège, parce que les préoccupations de texte sont assez claires. Il y a plusieurs enjeux, et ce que j'aimerais savoir, c'est d'après vous, qu'est-ce qui est le plus important ou qu'est-ce qui vous semble primordial sur le plan d'enjeux de communication dans ce que souligne le texte. Donc le texte, il est accessible en ligne, sur l'UV. Mais comme vous l'avez lu pour aujourd'hui, normalement. proposition de réponse. La démultiplication du génome renvoie aux problématiques soulevées par les théories de l'attention. Et que donc, vu qu'il y a tellement de plateformes et tellement de publicité partout, d'informations partout, les gens ne font plus attention. Ils sont un peu hésités, donc on les voit, mais sans vraiment les reconnaître. Donc le risque de saturation en fait qui est lié justement à la donc, multiplication, démultiplication d'un mécano. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui vous semblaient importants? Moi ce que j'ai retenu c'était surtout qu'il y avait vraiment cette dualité entre d'un côté la démocratisation et la multiplication. Et donc du coup on a l'impression que là n'importe qui peut devenir là dans ce cas-là artiste et peut être connu, etc. Mais à la fois j'ai remarqué à la fin que finalement c'était toujours la même source qui revenait et que ça ne conduit pas forcément à la démocratisation dans le sens où tout le monde peut devenir réellement un artiste parce que ce sont toujours les plus connus qui sont beaucoup plus partagés et qui sont dans les meilleurs résultats, etc. Et donc du coup c'est cette sorte de cercle vicieux et ça ne permet pas forcément aux artistes non connus d'être d'émerger. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques par rapport aux enjeux soulevés dans le texte? C'est pas mal les deux points qui sont à retenir. Effectivement, c'est ces risques de ne pas retenir l'attention parce que l'attention est déjà trop sollicitée par énormément d'informations, énormément aussi de publicités ou de discours promotionnels qui nous entourent. Et que donc, pour des entreprises culturelles, c'est très difficile de se démarquer ou de se démarquer au point que les gens vont vraiment acheter notre produit ou se déplacer pour nous suivre. Donc ça, c'est un défi en fait en termes de communication. Comment se démarquer alors que les publics sont déjà très sollicités? Et l'autre aspect, c'est effectivement cette limite de l'impression de démocratisation qu'on avait ou qui était une impression davantage d'émancipation quasiment des publics, où tout le monde allait donc potentiellement pouvoir devenir un artiste, pouvoir faire connaître ses œuvres et pouvoir finalement sortir du lot, parce qu'on a la capacité de s'exprimer. Mais en fait, d'après les auteurs, enfin du moins ce que pointe le texte, c'est qu'il y a une sorte un peu d'effet pervers, qui est que au bout d'un moment, comme justement il y a cette idée de hiérarchie par visibilité et par quantité, ben finalement, ça fait toujours que renforcer ceux qui sont les plus visibles deviennent les plus visibles parce que c'est ceux qui sont les plus visibles qui sont les plus visibles, qui deviennent les plus visibles, etc. Et donc, forcément, en cours de route, s'éliminent ceux qui ont eu accès à la plateforme numérique mais qui n'ont pas été repartagés ou qui n'ont pas été classés par les algorithmes. Donc, le côté, en fait, un petit peu idéal qu'on avait d'ailleurs évoqué au tout début du quadrimestre sur ce village global où il y a moins de frontières, où il y a une accessibilité plus grande, où il y a de l'appropriation de la créativité, de l'innovation, c'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est qu'il n'existe pas de façon aussi, justement, aussi idéale et aussi productive, au sens qu'il n'offre pas les mêmes chances réellement à tout le monde. Parce qu'il y a justement ce côté quantifié, ce côté aussi de calcul algorithmique qui fait que les plateformes créent des normes aussi. Donc il y a des hiérarchies qui vont se faire et qui vont limiter en fait un petit peu la portée finalement de la liberté accordée par le web. Oui. La gouvernementalité algorithmique. Pardon ? C'est la gouvernementalité algorithmique. Oui, exactement. Ici, on peut parler, effectivement, comme le dit votre collègue, de gouvernementalité algorithmique, au sens où ce sont les algorithmes, en fait, qui vont donc créer des normes ou des lois régissant, donc non plus ici sur un plan politique, mais plus sur un plan d'économie, en fait, de la culture, ou d'économie de l'attention et de visibilité potentielle. Et une dernière question sur laquelle j'aimerais terminer ce cours, c'est, bon, le texte, vous l'avez vu, a été écrit en 2012, il me semble bien. Donc, d'après la lecture que vous en avez faite et d'après vos expériences personnelles, en particulier de consommation de culture, votre façon d'écouter la musique, les infos, de regarder des films, Netflix ou je ne sais quoi d'autre. Est-ce que les conclusions que tire le texte vous semblent toujours valides en 2017? Si oui, pourquoi? Ou est-ce qu'il y aurait des nuances que vous apporteriez? Ou est-ce qu'il y aurait des choses, d'après vous, qui auraient un petit peu changé? Donc, ce n'est pas une question piège dans le sens que je m'attends à une réponse très précise là-dessus. C'est vraiment plus d'après vous, d'après vos expériences. Ou est-ce que ce que les auteurs avancent, ça vous semble encore pertinent et encore légitime, exactement de la même façon qu'ils le disent? Donc, les conclusions du texte, c'est la dernière page. Vous n'êtes pas obligé de lire les 15 pages en 30 secondes pour pouvoir répondre. Oui ? Eh bien, d'une part, le texte dit déjà que grâce au numérique, les artistes deviennent plus visibles. Enfin, d'une part, je suis d'accord avec ça parce que ça, le numérique, c'est une plateforme donc gratuite qui va permettre justement aux artistes qui n'ont peut-être pas forcément les moyens d'acquérir une grande visibilité immédiatement, de quand même se faire connaître sur le territoire. Mais par contre, comme nous l'avons vu avec tout ce qui est algorithme, les petits artistes ont vraiment du mal à émerger dans ce monde qui est vraiment rempli de grands artistes avec lesquels il y a vraiment du mal à se comparer. Et du coup, oui, il y a moyen de se rendre visible, comme par exemple sur Spotify, il y a toujours des... Quand je donne l'exemple, quand on ouvre l'application, il y a toujours des petites playlists qui proposent des genres de musique différents. Et là, on a par exemple des playlists avec des musiciens plutôt récents. Mm-hmm. Et ça nous donne donc l'opportunité d'écouter leur musique. Par contre, si on va sur Google et si on tape, je ne sais pas, si on tape hip-hop, alors on va trouver les artistes connus et tous les petits artistes, on va pas les voir. Mm-hmm. Et du coup, il y a les deux places. Deux vitesses. Votre réaction par rapport à cette question? Oui. De plus en plus, 2017-2016, sur les réseaux sociaux, il y a une grosse différence qui se fait. L'algorithme de ces réseaux sociaux a évolué. Et l'une de ces différences, c'est l'argent. Certaines sociétés ou artistes ont la possibilité de payer. Et au plus on paye, au plus on est visible. Et donc, je pense que ça change beaucoup. Parce qu'une personne un jeune artiste qui débute, par exemple, n'a pas la possibilité peut-être de payer. Et donc, il va tomber justement dans ce problème de visibilité. Même si son produit est en ligne gratuitement, s'il ne paye pas, il ne sera peut-être pas aussi visible que quelqu'un qui paye. Il faut voir aussi que peut-être par rapport au moment où le texte a été publié, les possibilités de publicité payante ou d'avoir des publicités payantes se sont aussi multipliées et que l'offre est beaucoup plus, avec des budgets fort différents. Il y a toutes sortes de façons de se promouvoir sur le web de façon payante. Mais c'est vrai que du coup, il y a aussi ce clivage-là qui peut s'instaurer selon le budget dont on dispose et que pour se faire connaître de façon éphémère, c'est pas forcément un problème, mais pour émerger après ça de façon un peu plus pérenne. Dans le long terme, là, à ce moment-là, ça crée, comme le disait votre collègue juste un peu avant, plusieurs niveaux, ou en tout cas peut-être plusieurs sous-domaines culturels, ou plusieurs univers en fait, culturels qui cohabitent et dans lesquels il y a des niveaux de visibilité fort, fort différents. Oui. Et puis, je trouve aussi que l'algorithme fait en sorte de réduire notre champ de vision, je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure manière. Oui, tout à fait. Peut-être justement sur ce point-là, je finirai là-dessus, mais ce sur quoi vont jouer les algorithmes et ce qui n'était pas forcément attendu ou ce qu'on on espérait voir être fini quasiment avec Internet, c'est que justement il y a cet effet de biais de confirmation qu'on va encore retrouver, et les algorithmes vont y participer d'un certain côté, mais c'est vraiment cette idée que les individus vont avoir tendance à privilégier ce qu'ils connaissent déjà. Et que, en fait, ici, la façon dont fonctionnent les algorithmes, c'est de façon automatisée, exactement, sur une espèce de mécanique de confirmation, en fait. Ce qui fait en sorte qu'on sélectionne ce qui est connu, et puis après ça, on ne fait que reconnaître à nouveau ces éléments. C'est les bulles d'information. Et exactement. Ce qui fait en sorte que, justement, on parle de bulles d'information ou de bulles filtrantes, c'est-à-dire donc de lieux, de communautés en fait, par exemple numériques, qui vont partager un peu tout le temps les mêmes types d'informations, qui vont partager les mêmes valeurs et qui vont en fait en permanence conforter, renforcer des croyances, des valeurs, des systèmes de goût, de préférences, des motivations, etc. Cette préoccupation-là pour les bulles d'information ou ces systèmes de filtres et pour ces systèmes de confirmation, alors ça joue un rôle dans le traiteur culturel. C'est une grande préoccupation également, évidemment, dans le secteur politique, puisque donc il va être très difficile de convaincre ou de faire changer d'avis en fait des personnes qui sont justement dans ces bulles, parce qu'il y a en permanence dans l'environnement la confortation de ce qu'on pense déjà. Donc au bout d'un moment, en fait, ce qu'on nous propose comme information sur le web correspond déjà à ce qu'on a pensé ou à ce qu'on a visionné la veille, etc. Donc on ne sort, ça construit vraiment un univers en fait de connaissances et de croyances qui est relativement fermé. Donc on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je vais vous écrire par l'UV parce qu'on est en train de revoir un petit peu l'horaire pour les dernières semaines, pour peut-être enlever une séance pour pas que ça chevauche d'autres cours que vous avez déjà. Je vais vous confirmer ça sur l'UV. C'est pas pour tout de suite, mais il y a bientôt donc la séance de préparation à l'examen. Donc si vous avez déjà un peu des idées de points sur lesquels vous voulez qu'on revienne ou qui vous semblent moins clairs, etc., n'hésitez pas déjà à un petit peu y réfléchir, à prendre quelques notes, ça permettra en fait de partager ça collectivement. Bon week-end.